monde est faux, ah oui, oulawa. S'il y a les faux, ah oui, oulawa. Le monde est faux, ah oui, oulawa. Avec une cigarette, avec un chapeau sur la tête, avec une paire de lunettes, avec une envie de faire la fête. Il y a des fous à Oulawa, le monde est fou à Oulawa, le monde est fou à Oulawa, le monde est fou à Oulawa. Faisons les fous à Oulawa.